Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. C'est l'émission Inter Brezhoneck. Henri Le Naou nous accompagne sur les chemins de la langue bretonne et nous donne des petits coups de pouce hebdomadaires. Henri, bonjour. Oui, bonjour Morgane. Trois parties, comme d'habitude, dans Guerrier Arvué et la première Belkis Accustume de cette émission, Père Hunter Kant. 456. Voilà. Et on commence par Guerrier Arvué. Alors oui, on commence par Guerrier Arvué. Alors j'ai pensé parler de gourl, gourl, qui veut dire masculin, parce que souvent dans les émissions je parle de ça, les mots masculin et féminin, mais bon, en breton c'est gourl, donc j'avais envie d'en parler un petit peu quoi. Alors en français comme en breton, les mots sont répartis en masculin et féminin, ce qu'on appelle les substantifs, hein, c'est-à-dire hanoyo kadarn en breton. Et d'une façon qui semble aléatoire, hein, il n'y a aucun moyen, à part le sexe, hein, il faut différencier le genre et le sexe, mais à part le sexe, il n'y a aucun moyen de savoir si un mot est féminin ou masculin. C'est pour ça que les Anglais ont tant de mal, d'ailleurs, avec le français, par exemple, puisqu'on a une répartition complètement aléatoire. Par exemple, on va dire une maison en français et onti en breton, et en breton c'est masculin. Donc voilà. Alors ça vient, tout ça, ça remonte à assez loin, puisque dans les langues anciennes il y avait trois genres. Il y avait donc le masculin, le féminin et le neutre. Et d'ailleurs il y a des langues, par exemple en gaulois c'était comme ça, en latin aussi. Et il y a des langues modernes comme l'allemand, qui ont conservé, ou le russe aussi, qui ont conservé les trois genres. Et puis, dans d'autres langues, le masculin et le neutre se sont fondus, en fait. Et donc, alors on a donc deux genres, voilà, masculin et féminin. Alors, comment on reconnaît les... Alors, en breton, par exemple, quand on veut faire un mot féminin à partir d'un mot masculin, souvent on met un suffixe qui est -es. Hein. Par exemple, hi, orgi, orgi un chien, orgi est une chienne. Has un chat, orgazes une chienne. Une chatte, oui. Ouais, ouais. D'ailleurs, en français, on fait ça aussi, hein. Puisqu'on dit, par exemple, une doctoresse, une chasseresse, une pêcheresse. C'est des mots qui ont une consonance un peu vieillotte. C'est passé en argot, d'ailleurs, on dit une gonzesse. Une traîtresse. Une traîtresse. Si on continue sur les mots sympas, féminin. une gonzesse. Oui. Mais ça, c'est de l'argot, ouais. Quoi. Mais c'est de l'argot un peu vieillot. Hein. Maintenant, on dit plutôt une meuf. Ouais. Ouais. Une gonzesse. Voilà. Donc, il y a comme ça des mots qui sont féminins et d'autres qui sont masculins. Alors le masculin, en breton, il se traduit par une non-mutation des mots, quoi. Donc on a souvent parlé de ça, hein, le masculin donne une non-mutation, sauf pour les mots en cas, qui donnent ch apostrophe h. Cause house. Et alors il y a un certain nombre de mots qui sont masculins obligatoirement, c'est les noms qui désignent les mâles des espèces, par exemple au bord un bouc, hein, au hall et un taureau. Alors pour le chat on dit souvent un targas, hein, c'est le matou, quoi. Ah ouais, hein. Voilà. Et pour d'autres espèces, on met le mot tad devant, une tadmoire, par exemple, le merle. Voilà. Alors, autrement, il y a des mots qui sont masculins, c'est, par exemple, les mots qui ont été fabriqués à partir du suffixe adur, hein. Stumadur, zevenadur, stagadur, voilà, tous ces mots-là, sauf plijadur. Blijadur qui est féminin. Ur Blijadur. C'est le seul qui mute, donc c'est comme ça qu'on sait qu'il est féminin, c'est parce qu'il mute. C'est parce qu'il mute, oui. Alors donc, au singulier, ceux qui mutent, ce sont les mots féminins. Alors il y a des exceptions aussi, hein, donc... Il faut bien confirmer les règles. Par exemple, Ur Plach, c'est une fille, hein, donc qui ne mute pas, quoi. Voilà. Donc, bon, voilà un petit peu pour le masculin. Alors, il y a des mots, hein, qui sont masculins, qui ne le sont pas, par exemple, qui sont féminins, par exemple, en français. J'ai dit tout à l'heure la maison, mort aussi, hein, mot masculin qui est la mère en français, quoi. Donc, il faut se méfier. Donc, les mots masculins en français ne sont pas forcément masculins en breton. Voilà. Alors, gourel. Bon. Mais c'était voilà. Le mot de ce voilà. Donc, la prochaine Serent. Fois, on parlera de benel, qui veut dire féminin. On se retrouve donc la semaine prochaine avec le mot benel pour féminin. Et tout de suite, c'est l'heure de Brezhoneg Tamba Tamba. Brezhoneg Tamba Tamba en compagnie de Henri. Je crois, Henri, qu'on va continuer à découvrir les gens de lettres en langue bretonne. Alors là, aujourd'hui, oui, parce que il y a le printemps des poètes. Alors je me suis dit que ce serait bien de parler de quelqu'un du pays. Et donc j'avais envie de parler de Philomena Cadoret. Philomena Cadoret, qui est connue pour avoir écrit pas mal de chansons, hein, comme Valherian, par exemple. Yannigeville-Vichère, et puis Vatesvian, et puis d'autres chansons aussi moins connues. Elle a écrit aussi des cantiques, et puis elle a écrit dans des revues bretonnes à son époque. Elle a écrit énormément de choses. Alors, bon, je vais pas... Alors, il y a un spécialiste de Philomena Cadoret, c'est Michel Simon, à Rostrenin, qui a beaucoup travaillé sur les écrits de Philomena Cadoret, et qui doit y travailler encore, je présume. Alors, Philomena Cadoret, qui est aujourd'hui considérée comme rostrenoise, puisque Bonnen a été rattachée à Rostrenin en 1970. Mais enfin, elle est née à Bonnen et morte à Bonnen aussi. Voilà, elle est née le 24 juillet 1892. Et elle a commencé à écrire à l'âge de 16 ans. Et alors, elle a eu une vie d'une grande tristesse, hein, puisque elle s'est mariée avec son filleul de guerre. Dans le temps, pendant la guerre 14, il y avait des filleuls de guerre comme ça qui écrivaient à leur marraine, voilà. Et donc elle s'est mariée avec lui et il est mort en 1920, 2 ans après la fin de la guerre. Et ils ont eu une petite fille qui est décédée en 1923 et elle est morte aussi en 1923. Donc une vie brève et assez triste finalement, quoi. Philomena Cadoret est morte aussi en 23. En 23 aussi, oui. Ouais. 31 ans, quoi. Donc une vie courte. Hein. Et elle a écrit beaucoup de choses, des choses assez remarquables. Alors, par exemple, celle-là, j'aime bien parce que... elle avait pris comme pseudonyme Kulmi Garvor, ce qui est un peu paradoxal parce que je sais pas si elle a vu souvent la mer. Ouais. En tout cas, elle aurait pu s'appeler Kulmi Garvor. Voilà. Alors, le texte, je vais le chantonner un petit peu, et puis sans reprendre le deuxième vers en bis, parce que ça ferait un peu long, quoi. Puis je vais donner une traduction, je vais proposer une traduction au fur et à mesure. « Un œil de richant, un yole zolowen, kère deur mes yeux, gando bleu nyou lawen. » Donc les oiseaux gazouillent, hein, richant, le soleil est joyeux. Les campagnes sont ornées de fleurs jaunes. Hein. Voilà. Sont parées de fleurs jaunes. Braoué dormait sa air, wari wari bleuster, aden aloué d'ors clair, tarnige à l'un wab glace. Donc, il plaît aux bergers de jouer au bord de la rivière. Et elle agit l'alouette, on a parlé de ça il n'y a pas longtemps, de volter dans le ciel bleu. Scan. N'alouette dans scan, et pour le mot scan. Adine mateuse viande, caseling de védérienne, Norgan en dibrenner, heder vin aux jeunes. Et à moi, petite bonne, mate c'est la bonne, hein, de porter leur repas aux moissonneurs, en chantant sans souci tout au long du chemin. Du zeur zoule grosse, m'en me gueland mignon, on décrin is ivraire, allez ali galon. Là-bas, dans le grand champ de chaume, hein, zoule, m'en me gueland mignon est mon meilleur ami, un homme aux bras forts et au cœur fidèle, loyal, quoi, hein, léal. Mimeus tos de vilure, ayant nigenes d'eau, pédeille névéan, vaudis clairie d'un trou. J'ai près de 1000 francs, des 1000 francs or de l'époque, bien sûr, et Yannick près de, en a deux. Quand viendra le printemps, nous déclarerons nos projets, vaudis clairie d'un trou. Hein, c'est-à-dire, on va déclarer nos projets, en fait. Hein. Prenne de vos viores, Azave don tiptlous, du honte à leur vingtaine, un drognénig d'hydrous. On achètera une vache et on bâtira une chaumière, un tiplous, hein, là-bas près de la fontaine, dans la petite vallée, silencieuse. Et non, pelle de zendrous, atos di harante, ma tésig breizizel, e gan onons adé. Là-bas, loin du bruit et près de ses amours, la petite bonne de Basse-Bretagne, hein, chantera nuit et jour. Voilà. Donc j'aime bien ce texte. Et... On a entendu les enfants de Michel Simon chanter ça au camp Narbonne, les élèves. Oui. Là, je l'ai juste chantonné parce que pour bien chanter ça, il faut un peu plus d'emphase. Ben, voilà. Oui, voilà, mais bon. Et ça a été écrit en quelle année, cette chanson, là, 1912? C'est publié en 1912. Voilà. Ouais. Moi, j'ai lu dernièrement un recueil de poèmes écrits par un monsieur de Carcassmelou qui tenait un bar, qui s'appelait Le Bonhomme. Oui, Frédéric Bonhomme, voilà, oui. Qui disait que s'il y avait pas, c'est grâce à Philomena Cadoret qu'il a vraiment eu envie d'écrire de la poésie. Ah, oui, oui. Oui, j'ai connu Frédéric Bonhomme. Oui. C'est vrai. Ouais, ouais. On s'arrêtait souvent au bistrot là quand on allait à Rostronin en vélo, quoi. Ça faisait une pause. C'était le bar du coin. C'était le bar du coin. Voilà pour le printemps des poètes et pour Philomena Cadoré. Bon. Alors, peut-être qu'on parlera de Frédéric le Bonhomme un autre jour avec ouais. Henri. On passe à la troisième partie, Petra Zonnevervon. Ben, kalz e draoù boer vez diouz an hag krogom de diantan vel kis a kustum gant e la bourdoua hag an ur vue war ar mez. Bon, e ruom bremañ ban eve amzor. Ne ket oal domroaz, me e ruom ban eve amzor. Hag on e bade o zo ve gwell de besketerien war ribl an dour, war ribl ar oajou, o teul o linien ban dour gant ar vue zugen pe o geionnen, evit tap o pesket, hein. Vejo pe verreïn, gro gantet ket kouls. Bon tap pez velar e oan e brenber, e oan e brenber gwejel oa an den deus rostren, enfin, gant deus purud oa de diantan, met e de chom de rostren, an deus gred or gant nou an oar a pesketerien. Ur pesketer eus o kondan eut pe eru a arbe, por de stér, de la kadi jonge gant ne pesken le zoli drubu ou badier, a ma grogan luzen ni vu zugen penige yonnen, ma eur guir besketer, de l'enon ni banneur. Sais tu, on tombe bien de ze gant nouen, quand on se gant nouen ir, et vel juste vidor besketerien, quoi. Bon, vitchom, on tombe war vu et war armes, kom zo mon tamm de ze lao bourdoua, bon ur mar e mandak gwal vord un trao gant priz mor, a gous koude pe ve gret de bouet mal gant de king mor, ve moyen de ver zonem madouar, da skouir pate enaf, gant la so a bekrou ed ur pate enaf, pe dur ur stal enaf oa bezav gant on den de spouldrezig hant ve jan enaf, Pouldrezig, hein, bro Jacques Elias. Bro vigouden, hag oa bet de gret ur stal evit la kat de legume hach ba bouestou mihan. Hag kant la son eo an jonj de ledan ad an dach an tamm, hag or pate. Hag bon, setu non lance de pate enaf, hag ur ekipe ne ke bechanch de boue. Ma meus mod ve gret pate enaf, vel vije gret houlse. A bromen ve gret war anke pe 1 million bouestou mihan pate enaf, ve gwerz don tamm pe bler, war ar bet. Hag bromen e loig enaf zo ba pen stal, oa l'er ida di dat koz, a ta di dat koz. Hag anse, n'en der an madouar. Hein. A zo, pate enaf zo deud don tamm de vout ve o narwez de ze bouet ar vrou. Wardaschen Nandro Brummen Bonkals heureux ou armarement gand Stalvariskan eus o klask toulondou ar bavro am hag bon bon ne ke gwalskler an trou or strolaz o begred d'où ar didoul vid goul muor skleri gen oar an afer ze pion vek gwar ad gwal just petemant klask hag pesamod vo gret med bon gwel vo pesamod vo kon un de neus ke gwal belzo zo bevot ba kamberegoz kamberegoz e ur sena ou dred zo bevot ba kamberegoz o nasten de lezen war an energiez hag un nasten ze lar vo ne vo ke gret tourio avel din dan o hilomet de zon ti beneket red bout pelor hag breiz am zezin fia ne vo kem boyen d'or tourio avel chi hag zezo bet bon neus ke bet kal ze drouz gant zetre hag eus koud eo un dra bouez neus ke met président notre Massio hein Pierre Massio le président de Randvro Breiz nous Cavenzi ben on texte au bevote quand Camperigos and his lard work and mode an affaire ce quoi le vos pesamo de vos con hein mais guiré on drasse pontus hein vide vide l'énergie ce Breiz m'avait grès de un drasé bon wardash en économie et zevron hein war ve comme je vais je n'en de ce nez ou houarn. Hag linen tre gwen gamm a poempoul zo ban o stad valpud ur marmant. Hag bon kalz eus un trai o verret e mont de dousig hein, war dro 30 kilomet an eur. Hag bon vo ret karat kalz e milion o evit radresan e linen se. Hag blam no vo ket de drano ket de trai vapeur gant velre pas de Blaiowel du j'ai un train très pontré va à Pempoul à Blanc ne vaut que Gret dur mon rival Lignan quoi dans bon temps voir dash et les événats dur bon bah Gronvel au bé de Digo redonné les vimons de Betager menir p vibouma zoem de l'art de leur pulven puis représente donc essence de leur pulven quoi leur menir non la Gret gant gerri ou brezon, donc ben gret pel oale, n'est que de gerri or in ma pezoan. Hag bromel zo moyen tant de betager, menir, vete a gwar, belven. Nor ke bet? Pas ras. Non, karog, ouais, j'ai kudé nou gant zé, oa ke moyen tant de betadan, quoi. Hag bromel vo moyen de tant de betagenan, quoi. Hendel, Clef un peu zo drael, oaz war ur skol zoner eus la rostren, skol zoner eus kreiz breiz, o hond or un opera prestik. Didon a ene, a clef eus beze, ya. Hag vo disk de un opera ze, vo diskwezet ba ker gris moelou, a ba kalak. Hag bon, on dra bouiz, on dra gant kalz de dud, hein. Ou elle doit sa mode vos comptes. Bon, aidé de Nanan, une Vars et Znaï Grosmore, ne ce que quoi le Bezo. On se voit Chomba Castelpaul. Il hang noir encore, à Ronde de Sbid, scrive de Kals Drog, Kals Barzoneg ou Pejouari. À Gaïwa, Onega Perugen, avec vraiment. Et être de Nanang, quoi. Bon, Jules Gouès, quasi voir, une en a bené que le monde de Nanang va me briser, que non, mais. Péterine, hein. Dissement un trou. Bon, il y a au Bédou, l'île de Barosco. Bon, c'est une tombe, non que de Gomsoise, de Vota d'Egou, Benevigel, ma 13e volard, on dra bené que d'Iwar Benzi. C'est tu l'art en Kenavo de Chiloé en RKB, Adar Morgan, Timedel. Kenou, Eri. Tiens.